dois t'en vouloir, foutre le bord d'ici. Tu sais jamais trop pourquoi t'attends qu'on te tendra. Mais tu sais déjà, ça arrivera pas. Alors tu bois encore un peu. Alors tu bois le beau de jeu. Pourquoi tu crois que moi aussi j'en veux? Pas con quoi, pas con quoi. Et tout ça, ça vit, tout ça t'assomme. Tant que la terre tourne, tourne, tourne, tourne en somme. Et tout ça, ça hurle, tout ça klaxonne. Tellement t'entends plus le bruit de la terre tourne, tourne, tourne. Pas con quoi. Tant que la terre.